Dans ma tête c'est l'embouteillage. Les pages s'ouvrent, se ferment, s'accumulent, s'empilent, se fanent. Dans ce monde à 100 à l'heure, les sirènes sonnent la détresse. Ce que ma plume caresse sera un hymne à la paresse. Au lieu de semer mes secondes, j'aimerais en profiter. Arrêter de dépenser ma vie à la gagner. À l'essai, ça suffit, mon issue j'ai choisi. L'argent c'est du temps et le temps sera mon profit. L'argent c'est du temps et le temps sera mon profit. Depuis le haut débit, d'autres de rester connecté. Faut dire qu'au début, on pensait qu'à kicker. Aujourd'hui, faut clipper, faut chatter, faut liker. Faut faire le buzz, enflammer la toile même sans briquet. Le briquet de broc, j'suis digne d'un antiquaire. Un pied dans mon époque, fidèle à mes Nikers. J'parle de la guerre avec cet accent du présent. En duplex du passé, c'est mon complexe d'adolescent. Juste moi, ma gueule et mes shoes. Requiem d'un mec en proie à un coup de pouce. Ouais, moi, ma gueule et mes shoes. Ma gueule et mes shoes. Juste moi, ma gueule et mes shoes. Requiem d'un mec en proie à un coup de pouce. Ouais, moi, ma gueule et mes shoes. Ma gueule et mes shoes. Puits de science et non d'un puits de pétrole. Pour avancer serein, faire carburer mes crolles. L'essentiel n'est pas la distance, mais la qualité du trajet. Je garde de longueur de retard afin d'affiner le sujet. Fugitif, je ne fuis pas mes fugues vers l'évasif. À contre-courant sur le périph, j'ai choisi l'alternatif. Mon objectif contre-productif. La course est freinée au sommet à quelque chose d'addictif. J'aime la relaxation, graver l'instant sur pellicule. La désaliénation de mes boîtes noires sur clavicule. La culture transgénante sous perfusion de lexique. Encore aujourd'hui je suis un de ces poètes dyslexiques. Je fais ça gratuitement depuis mes poussées d'acné. J'en ai vu tomber se noyer pendant que je pratiquais l'apnée. À trop surfer sur les vagues, on sacrifie sa personnalité. Moi je garde le cap, même ma personnalité. Juste moi, ma gueule et mes shoes. Requiem d'un mec en proie à un coup de pouce. Ouais, moi, ma gueule et mes shoes. Ma gueule et mes shoes.